Asile de nuit, par Maurice Thalmayer. Quel temps pour les vagabonds! Un dégel noir décomposé l'hiver, et sur le quai, il dégouttait, ruisselait, plus noir encore que partout. Les becs de gaz, rares et mourants, clignotaient dans une brume de houille humide, et leurs petites étoiles mouillées tremblotaient dans le canal comme dans un canal d'encre. On ne voyait partout que des vacillations, des ombres, des reflets allongés de réverbères lointains, des larmoiements de lueurs sur les trottoirs noyés, des fantômes de cheminées, des fantômes de toits, des fantômes de bateaux, et tout cela flottant, fondant, craquant dans une nuit liquide. Une bruine de glace, filtrée comme d'une voûte de mine, et l'eau du canal, gonflée au ras des berges, sous les passerelles suspendues, remuait vaguement de larges moires. Le quai en ce moment n'était plus fréquenté, mais il n'était pas encore désert. On y croisait des ouvriers encapuchonnés de toiles de sac où des braises de pipe leur brillaient sous le nez. De temps en temps, un parapluie doublait l'angle d'une rue, un tombereau passait, on rencontrait des boutiques de marchands de vin. Il y en avait une devant laquelle était arrêté un fiacre et d'où sortait une musique gênante d'accordéon. La porte était ouverte et un cocher en grande capote blanche dansait devant le comptoir avec une bonne en tablier bleu. Plus loin, il y en avait une autre, un peu en sous-sol, et deux femmes y causaient devant de petits verres, chacune avec un chat sur les genoux. Ensuite, on ne voyait plus que des murs de clôture, et le quai devenait encore plus glacial. Les bateaux dans le brouillard avaient l'air de fils de cahute, et on distinguait alors, le long d'une palissade, une masse allongée et noire, où on le reconnaissait bientôt une queue de gens qui attendaient comme au guichet d'un théâtre. Il s'y dessinait des figures, des dos, des coudes grelottants, des mains enfoncées dans des poches, des bras ballottants, des jambes qui se secouaient pour se réchauffer. Ils étaient environ 200, des grands, des petits, des maigres, en bonnet, en casquette, en gilet de laine, avec des têtes dans des cache-nez, des coups nus dans des cols de chemin, des barbes sous des feutres, au milieu d'un bruit gras de pieds dans la boue et formant de masses grouillantes de chaque côté d'une porte charretière, au-dessus de laquelle un bec de gaz vacillait dans sa lanterne. La porte était fermée, un gardien de la paix se tenait devant et on lisait dessus « Ville de Paris, 197, refuge de nuit ». Puis, une fois cette porte passée, on se trouvait dans une baraque où vous oppressait une chaleur de poils rouges et où vous aveuglait une lumière de pétrole entre des cloisons de bois blanc où une atmosphère de sapin frais flottait dans une vapeur de soupe grasse et un étouffement d'étuve. Un bâton de porte, au fond, s'ouvrait et se refermait, laissant échapper un bruit de cuisine et de régiment, et à gauche, près de l'entrée, une tête ennuyée de commis attendait derrière un guichet vitré. Cependant, le directeur était là. La figure osseuse et maigre, le front brillant, dégarni, le nez fortement busqué, avec une petite barbe noire. Il était tête nue, en veston, et recevait quelques personnes qui venaient visiter l'établissement, comme un chef d'institution reçoit des parents d'élèves, plein d'obligeance et en se frottant les mains. Il parlementa une minute avec elle, regarda l'heure à un cadran d'un air pressé et les emmena vite dans une série d'autres baraques qui communiquaient et dont il leur expliqua rapidement l'aménagement. La soufrerie. On quittait là ses habits qu'on désinfectait au soufre. La lingerie. On y recevait le costume du refuge. La salle de douche. On vous rinçait là de la tête aux pieds. Enfin, la cuisine, où s'étageaient des pyramides de bol. Et le même étouffement dans la même chaleur, le même aveuglement sous le même pétrole et dans le même bois blanc, la même odeur de sapin mêlée d'odeurs de haillons, de vapeur d'eau et de graisse bouillie, vous suivait dans toutes ces petites salles où le directeur vous précédait en se dépêchant, parlait vite, allait vite et se frottait toujours les mains. Mais il était 7 heures. Elle sonnait aux églises et aux fabriques du quartier. Et le moment était venu d'ouvrir le refuge. Le directeur reparut, le commis étala un registre derrière le guichet vitré, et ce fut alors comme un défilé de lanternes magiques. On entendit d'abord une foule qui se poussait, un gros bruit de pieds et de voix arriva dans un courant d'air mouillé. Un flot noir sentant la neige fondue entra dans la température chaude de la baraque, et une tête ridaillée, glabre, avec un rictus, se montra au guichet. « Comment vous appelez-vous ? Interrogea le commis. La tête dit un nom. Votre âge, 50 ans. Profession, domestique. votre pays, prompt armée. Et une autre tête parut, jeune, toute pâle, tremblotante. Les yeux clignotaient, la voix s'entendait à peine et la bouche avait encore un rictus. Votre âge, 23 ans. Votre état, professeur. Votre pays, Chalon. On vit ensuite un chapeau rabattu sur un collet relevé de vieux paletots crasseux. Et on entendit une voix extraordinaire qui faisait comme un bruit de claquette. Celui-là, rien qu'en parlant, aurait pu faire lever et s'agenouiller des religieux dans une chapelle. Il était graveur, né à Landrecy, et il avait couché la nuit précédente à Longjumeau. Mais son chapeau et son collet s'éclipsèrent, et une petite tête frisotée, au nez fin, aux longs cils, aux grands yeux verts, au teint de fille, lui succéda. Votre âge, 17 ans. Profession, serrurier. Votre pays, Abbeville. Puis parut un bègue, de Tournon Saint-Rémy, un bossu de Valenciennes, et une figure maigre, boutonneuse, aux yeux éclatants, engoncée dans un foulard sale, sous lequel un bissac pendait à l'épaule, déclara venir de Bordeaux. Mais un vieux monsieur pauvre, presque bien mis, avec un tuyau de poêle et un parapluie sous son bras, lui avait déjà succédé. Livide, les yeux fixes, avec un mouvement nerveux de la tête qui semblait dire oui à tout, il avait 60 ans et il était de Nancy. Et un petit blondin amena la note comique. « Quel âge ?» fit le commis. « 15 ans. Vous êtes célibataire ?» Une espèce de rire se mit à circuler. Puis une tête branlante, qui avait encore un rictus, parut encore au guichet. Et puis ce fut une autre, et puis encore une autre. Et il en passa de vieilles, de jeunes, de bonnes, de méchantes, de jolies, d'horribles. De petites moustaches fines qui avaient des airs militaires. Des favoris qui avaient des airs d'avocats. Des fers à cheval qui avaient des airs de commis-voyageurs. Des faces rasées, des faces poilues. Des mines de fouine, des visages mélancoliques. Et tout cela venait de Nantes, de Lyon, d'Amiens, de Cherbourg, de Montpellier. De Bretagne, de Bourgogne, de Provence, de Champagne, de Normandie. Et toujours, des têtes branlantes et hagardes, quelques-unes avec des sanglots, la plupart avec un rictus, et d'autres comme sourdes muettes. Elles regardaient seulement de leurs yeux douloureux et répondaient à peine ou ne répondaient pas. « Vous êtes marié ?» La tête se taisait. « Vous avez des enfants ?» Elle se taisait toujours. « De quel pays êtes-vous » Elle murmurait alors le nom d'un pays de France. Tous ces hommes, une heure plus tard, habillés de blouses grises et de larges pantalons, commençaient à manger leur soupe, tenant sur leurs genoux leur bol qui fumait, et leur tête tremblotait toujours comme elle tremblotait au guichet. Ils mangeaient un grand coup de cuillère, à grandes gorgées voraces, sous leur chapeau ou leur casquette, en regardant à droite et à gauche comme des chiens qui ont volé des os. Et une heure encore. Ils dormaient. Un long dortoir fuyait loin dans la lueur brouillée des lampes. Deux longues files de lits s'alignaient dans la galerie de bois où sommeillaient et reposaient les figures. Elles se retrouvaient toutes là, les yeux fermés, et quelques-unes soupiraient. D'autres divaguaient dans des cauchemars, d'autres frémissaient dans leur sommeil, d'autres semblaient jouir de la mort. On aurait dit une vaste infirmerie. La grande baraque de bois blanc était tiède, sinistre et douce. La brume du dehors filtrait à travers les planches, les lampes pâlissaient dans des auréoles grises, les tuyaux des poêles craquaient avec de petits bruits, on entendait le dégel des gouttes sur le toit, et les fenêtres, tout en haut, se découpaient dans leur cadre plein en rouge, comme pour donner au réveil la vision de la guillotine. C'était Asile de nuit, par Maurice Thalmayer.